Je viens de Montréal, donc si mon accent est difficile, je m'excuse. Grand cercle, je fais toute la salle. Allez, allez, rapprochez-vous. Les manteaux et les sacs peut-être sur les chaises pour l'instant. Il y a aussi la salle là où vous pouvez les mettre. Allez, plus de gens par là. Attends, ça va. Peut-être reculez-vous ici pour qu'il y ait plus de place. OK, stop. Non, peut-être pas stop, hein? Allez, allez, allez, rejoignez le cercle, venez. Donc, ceux qui sont à l'arrière, à vous de garder un œil sur s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent pour élargir. Il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'autrement, je pense qu'ici, c'est pas mal bien. Il y a un mot de bienvenue prévu et on commence par quelques points de logistique. Non. The first thing we're going to do is talk languages. Because there's a lot of people who speak different languages here. Donc, on va commencer par parler des langues. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire la même chose en italien? Qui se propose pour dire? Noemi. Ouais. Juste qu'on commence par parler de langue. Cominciamo a parlare delle lingue, quindi mi sa che cominciamo a parlare delle combinazioni linguistiche. Chi sa parlare che cosa? Ok, allora prima vanno a parlare in francese, poi traduco io in italiano. Spagnolo. Hola, empezaremos por hablar de las lenguas y las combinaciones lingüísticas porque hay personas que hablan distintos idiomas y para ver quién nos puede dar un apoyo, quién nos puede traducir. Merci, on commence par ça. Donc, l'objectif moyen terme, c'est que tout le monde soit capable de parler dans la langue qui leur est la plus confortable. Mais il faut l'arranger. So, what we're trying to get to, oh my god, there's so many more people than I thought. peut-être ici, reculez-vous pour faire un peu plus de place. Hey boy! Ouais, c'est ça, exactement. Comme ça, c'est une très bonne idée. À la place que vous essayez, on peut faire le tour. C'est ça. OK. Donc, si on veut que tout le monde se regarde de parler dans la langue qui leur est la plus confortable, what we need to check is who here speaks English and primary language is English and would need translation from French. Raise your hand. Could you all lump together, maybe go over there so that there's a group of English people? And it'll make sense in a little while. So all of the English people in one little slot. Moyen terme, ça va se régler. Court terme, ça va marcher. So what we're going to need is we're going to need some people to translate from French to English through like whisper translation throughout this process. So who here would like to volunteer to help our friends that are English understand what's going on if most people speak in French? Okay, now, wait. So what we need to do is that the people who want to be volunteered to do this need to raise their hand and keep it up. Maybe step inside the circle. I saw your hand here. Is there anyone else who would like to help our English friends with translation throughout the weekend? I could help, but I... Yes, sure. You'll be kind of very useful. We have a multilingual unicorn here. This is going to be useful. Donc. Evidently, I could do it too, so it's both of us. So the English folks, remember us. We will be your helps. Est-ce que tu pourrais peut-être aller près de eux pour pouvoir continuer à traduire doucement? Donc, le principe, c'est la traduction chuchotée. Donc nous, disons qu'on parle majoritairement en français, ben, madame ici va pouvoir traduire en anglais au fur et à mesure. Quelqu'un qui peut dire quelque chose en italien, justement? Chi non parla francese, parla solo italiano, per favore alzate la mano. Ok. Ok, potete venire... No, vabbè, parlo... E l'obiettivo è che tutti parlino una lingua che possano convergere, cioè, che sia la prima lingua, che ci si senta a proprio agio. E chi vuole fare il volontario traduzione francese-italiano durante la settimana? Tu? Alzate la mano. Francese-italiano? Mettetevi... Così gli italiani possono capire chi può aiutarli con la traduzione. Ok. Même chose en espagnol, s'il vous plaît. Hola, los que hablen español y necesiten traducción del francés, Mónica y yo lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos ponemos todos aquí, Mónica? ¿O venís aquí? ¿Hay alguien más que necesite traducción del francés a español? ¿Nadie? Vale. Pues, vamos, gracias. Okay. Donc, merci d'avoir patienté avec nous. Donc, à partir de maintenant, si moi je choisis de m'exprimer en français, chaque groupe linguistique devrait pouvoir recevoir une traduction par les gens qui se sont portés volontaires. Donc moi, je préférerais me parler en français, et donc les traductions sont arrangées. L'idéal, c'est que tout le monde puisse parler dans la langue qui la rend la plus confortable. Donc si c'est, on est dans des petits groupes, ou si c'est par exemple moi qui parle français, puis il y a un petit groupe qui a besoin de recevoir une traduction, ben, ça se fait en chuchoté comme maintenant. Et si c'est quelqu'un qui veut parler au groupe, il peut dire quelque chose par exemple en italien, la personne qui veut faire qui se porte volontaire pour faire la traduction peut prendre le micro et traduire en français. On essaie d'utiliser le français comme la langue socle pour le week-end. Ah, je me suis corrigé tantôt parce que moi je dis fin de semaine. Il ne faut pas dire ça, il faut dire week-end. Donc on va essayer de rester au français. Voilà, merci pour votre patience pour ça, c'est important quand même d'assurer le plus de participation possible. Point logistique. Deux, c'est concernant les inscriptions et l'accès au lunch, et ainsi de suite. On voulait à l'entrée avoir une liste de présence, et puis on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, un petit peu plus tard, tu te rapprocher un petit peu. Alima va pouvoir prendre votre nom, info contact, et etc., pour pouvoir aussi vous inscrire à tous les repas du week-end. Et on vous demande. Vu que le comité organisationnel a récolté vos infos contacts, le courriel, et ainsi de suite, nous, on a l'opportunité ensemble de pouvoir se partager, par exemple, des accès à des documents de travail, et ainsi de suite. On aimerait recevoir votre approbation de pouvoir partager votre information contact au sein du groupe. Donc, quand vous allez aller voir Alima, plus tard, je crois que c'est environ vers midi, ou peut-être qu'il va y avoir une pause, quoi que ce soit, votre nom, info contact pour les repas et mentionner si vous voulez être exclu des listes de partage d'info contact parmi nous. D'accord? Autrement, on se dit que vous nous donnez permission, que ça va circuler à l'interne ici. Bon. Troisième point logistique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait inconfortable d'être pris en photo ou en vidéo? Photo-vidéo? Je ne vois pas de main levée. On a un petit dispositif, là, on pourrait s'identifier comme étant non intéressé d'être pris en photo, vidéo, etc. Je vois personne. Trop bien, trop facile. On oublie ce point-là. Vous comprenez que la documentation de la fin de semaine est libre. Donc, même si c'est notre responsabilité collective de faire une documentation de ce qui se passe. Donc, tout le monde est la bienvenue de prendre photo, vidéo, etc. Et personne ne s'est identifié comme étant inconfortable de s'en prendre en photo et vidéo. Donc, libre à tous de documenter le week-end. Ça commence à rentrer. Voilà. Pour la logistique, c'est bon. Et puis là, on passe au mot de bienvenue. Parce que là, faire un bienvenue avant que les gens comprennent, ça n'aurait été pas idéal. Donc voilà, je passe le micro. Ah, moi c'est Mathieu Réaume de la délégation du Québec de Remix the Commons. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Bonjour à tous. Benvenuto. Welcome to everyone. Benvenuti. Je crois que ça va. Je vais parler lentement pour les traductions, s'il y a besoin. Vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir pour ces trois jours de réunion sur les communs à Marseille. Je vous souhaite la bienvenue de la part de toutes les organisations, des structures organisatrices. Vous avez la liste sur le programme de toutes les structures qui interviennent. Je voulais les citer, mais il y en a beaucoup, donc il vaut mieux que vous les lisiez. On avait invité le soleil aussi aujourd'hui, mais en fait il a un petit peu la gueule de bois, donc il viendra peut-être un petit peu plus tard. J'espère que vous êtes tous bien installés. Je suis aussi la personne qui s'occupe des hébergements. Je suis désolée pour les derniers cafouillages qu'il y a pu y avoir. J'espère que vous êtes maintenant tous bien installés, et si vous avez des problèmes par rapport à l'hébergement, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà pour la logistique. Vous dire aussi que la raison pour laquelle on a vraiment été heureux d'accueillir cette manifestation sur les communs, c'est que les structures organisatrices vous diront toutes que Marseille, c'est une ville qui est vivante et populaire. C'est une ville dont les habitants aiment investir les lieux, les espaces, et ils développent un certain nombre d'habitudes, d'usages auxquels on tient énormément. Et il me semble, et je pense que mes collègues partagent la même chose, la même impression, il me semble que les communs sont une voie, une manière de nous aider à conserver cette caractéristique vivante et populaire de Marseille. Voilà, et je passe la parole à Frédéric Soutan de Remix the Commons. Merci Alima, bonjour à tous. Alors je suis Frédéric Sultan, je suis membre du collectif Remix of Commons, ou Remix en commun, puisque c'est un collectif francophone essentiellement, international. Vous voyez Mathieu, vous verrez aussi Yves qui est venu de Montréal, qui travaille sur la question des communs depuis une dizaine d'années et qui fait essentiellement un travail de documentation et de production d'outils pour s'approprier la question des communs et en faire un levier pour la transformation sociale. Donc on a tout un tas de projets, je vais en parler maintenant, qui vont dans ce sens-là. Et on a proposé il y a deux ans, l'année dernière, en 2018, de lancer un premier Commons Camp qui s'est déroulé à Grenoble. Et auquel on va participer aujourd'hui, c'est donc la deuxième rencontre qui s'appelle Commons Camp. Alors moi, je suis particulièrement heureux d'être ici, parce que ce que vient de dire Alima me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on a fait le premier Commons Camp à Grenoble, on était dans le cadre d'une université d'été des mouvements sociaux, donc il y avait beaucoup de monde qui était rassemblé par les mouvements sociaux. Ici, on a fait le pari de démarrer quelque chose, de proposer cette activité à Marseille avec les militants, les gens qui sont engagés à Marseille. Et on attendait une mobilisation, mais on est quand même vraiment très content. En tout cas, moi, je suis très content de voir qu'on a une énorme mobilisation, à la fois en nombre de personnes et à la fois en nombre d'organisations différentes qui sont présentes, qui sont mobilisées, qui ont répondu à l'invitation du Commons Camp. Alors, l'invitation du Commons Camp, c'est quoi? C'est, je dirais essentiellement, trois choses. La première chose, c'est proposer un espace dans lequel on va essayer d'entrer ensemble, en douceur, dans la question des communs. Souvent, la question des communs est prise comme quelque chose de très conceptuel et difficile à aborder. Bah, en fait, on va faire le pari que c'est peut-être pas le cas et qu'on peut essayer d'aborder la question de manière douce, utile pour nous, et que ça puisse faire quelque chose qui fonctionne dans nos engagements, dans nos activités, dans nos actions, dans nos actions militantes, culturelles, etc. La deuxième dimension du Commons Camp, c'est le fait de nous permettre d'organiser, de partager nos expériences, de partager les choses qui sont déjà existantes sur le terrain, et de les associer, de les allier, de faire en sorte qu'on ait des mécanismes de partage, de co-construction, de projets, etc. Et puis la troisième dimension, c'est l'idée que, à l'occasion du Commons Camp, et on va avoir une dynamique internationale, on va avoir une dynamique trans-européenne dans laquelle on va partager, on va étendre, on va travailler sur le local, bien sûr, et c'est pour ça qu'on est à Marseille, mais on va aussi tendre des fils, tendre des ponts vers les autres militants d'autres endroits pour tisser nos liens, pour renforcer nos capacités à faire des choses ensemble. Voilà à peu près l'idée, voilà l'invitation, et donc... moi, je suis très très heureux que vous soyez aussi nombreux à répondre à cette invitation, et je suis très curieux de savoir pourquoi vous avez répondu à cette invitation. Bonjour, alors, moi c'est Jules Dégout, je suis co-coordinateur de Art Factories Autre Part, qui est un réseau de lieux intermédiaires, donc des lieux qui articulent autrement art, territoire et population. Et ça vous aura pas échappé qu'il y a un jeu de poupées russes dans les invitations qu'on vous a faites. Nous, on voulait inviter les lieux intermédiaires marseillais à s'assembler, à trouver une façon de s'assembler. Et on a travaillé main dans la main avec Remix the Commons depuis cette idée d'une part qu'on porte et qu'on défend haut et fort que nos pratiques d'espace sont des pratiques de commun. S'inscrivent en tant que telles à l'intérieur de la grande famille des communs, des pratiques de communs. Et ensuite, depuis cette rencontre avec Remix the Commons, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait dans l'ensemble les mêmes enjeux fondamentaux, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis ça nous a semblé fondamentalement une chance pour nous, en tant que lieu intermédiaire, de profiter du regard et de l'expérience des autres pratiques de commun à l'endroit de nos réalités à nous. Oui, parce que comme on le sait, comme on le voit, et comme on le voit notamment à Marseille, la question du commun se pose dès l'instant où il y a une menace, un péril qui pèse sur ce qui est commun. Et c'est depuis ce moment-là que ça devient vraiment un sujet. Et c'est vrai pour nos lieux intermédiaires à l'époque de l'urbanisme transitoire, c'est vrai aussi pour la ville de Marseille elle-même, dans son, comme cité, comme espace de relations politiques entre ses habitants, à bien des endroits. Et tous ces sujets nous occuperont donc aujourd'hui. Une petite chose que je rajoute, c'est que nous, Art Factories Autre Part, nous avons pris cette initiative depuis une initiative nationale qui est celle de la CNLI, de la Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires Indépendants, qui a notamment eu son troisième forum à Rennes en juin dernier, et que l'enjeu de cette coordination nationale aujourd'hui, c'est d'accompagner des dynamiques de structuration à des échelles territoriales plus petites, plus pertinentes, pour faire émerger une puissance d'agir entre ces lieux, entre ces acteurs qui sont souvent isolés dans le caractère un peu insulaire de leur expérience, du lieu, avec toutes les tensions qui pèsent sur les pratiques, depuis une fragilité économique, une fragilité politique, et qui isolent beaucoup, du coup, les capacités d'agir des uns et des autres. Et donc, on est convaincus que pour répondre à cette difficulté, une articulation entre une coordination nationale capable de peser à l'échelle du pays et des dynamiques régionales fortes capables d'être en lien avec les réalités du territoire, avec les situations des uns et des autres. C'est la façon de réussir à organiser, à se donner un peu de puissance d'agir, quoi. Et que c'est un enjeu pour nos lieux et bien au-delà de nos lieux pour les habitants de nos territoires et puis pour les communs en général. Donc, ah oui, pour le jeu de poupées russes, on a une assemblée des lieux intermédiaires, en quelque sorte, qui se tient aujourd'hui à l'intérieur du commun-temps, qui va du coup bénéficier de son regard, et on va rentrer là-dedans progressivement tout au long de la journée. Merci beaucoup. Je profite du fait que les petits groupes de traduction sont encore ensemble pour expliquer la prochaine activité, et après ça, on se déplace. Donc on va passer, vous comprenez qu'il y a un certain écart de compréhension familiarité avec les communs parmi les gens qui sont présents. Il y a différents intérêts, il y a différents... Le terrain des communs est tellement large qu'il y a plusieurs types de praticiens des communs qui sont présents. Et on va passer le prochain temps à explorer qui est dans la salle, c'est quoi les intérêts, niveau de connaissance, et ainsi de suite. Et on va le faire en se déplaçant. Donc ça, c'est la description de ce qu'on va faire. Il va y avoir une série de questions qui vont être, qui vont nous demander de nous déplacer dans l'espace. Et puis là, je vais avoir besoin des personnes qui traduisent de pouvoir dire, en fait, non, ça, ça va être correct parce que je vais le faire moi-même pour l'anglais. I could actually say what I just said in English, but it's just me. Et puis, ça va être quelques rondes de déplacement. Donc, c'est pour se réchauffer, apprendre à connaître les gens, et ainsi de suite. Donc, pour commencer le jeu, j'inviterai les gens de Marseille de se placer au centre du X, s'il vous plaît. Et puis, que les Marseillais, les gens de Marseille, au centre. On en parlera du coup. Parce que du coup, moi, je... Les petits groupes de traduction vont se séparer, malheureusement, on n'aura pas le choix. Carmen? Ok, donc, les points cardinaux. Ça, c'est le sud. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est l'ouest. Donc, autour de Marseille, les autres, d'où venez-vous? Positionnez-vous autour des Marseillais. Et à l'intérieur de Marseille, si vous voulez négocier entre vous pour vous positionner à la bonne place dans la ville de Marseille, le nord. Déplacez-vous un petit peu. Le nord, c'est par ici. Donc, le nord est par là. Le sud est par ici. D'où venez-vous? Le nord. Est. Ah bah, c'est même derrière là-bas, même plus à Marseille. Moi je suis grand. Adorable. Ça c'est discutable. Hein. Les Marseillais, est-ce que vous êtes en train de vous arranger d'après votre ville? Non, non. C'est ici à peu près. Ok, on va prendre quelques... Oui, je le sais. C'est beau à voir. Regardez combien de Marseillais sont ici. Trop bien. Négocie entre vous pour être sûr d'être à la bonne place. Dans les pôles. Ce sont les Irlandais. Ok. Ça a l'air d'être bon. Les Irlandais sont... Votre attention, s'il vous plaît. C'est normal. C'était supposé vous faire jaser. Donc, c'est une mérite. Ok, un instant. Un instant. Je fais le tour. Et puis gardez un œil sur moi pour pouvoir voir les gens d'où ils viennent. Serbie. La Serbie? Le Grand Genève, transfrontalier, tout près de Seine, pied du Jura. Ça va tellement être le fun de faire le tour. I come from a group that comes from Naples, but I'm German, so... C'était très loin de Marseille pour quelqu'un de... Oui, mais oui, mais regarde, okay, tu peux dire ça? Le nord de Marseille. Le grand nord. Blanc, froid, Canada. Tu vois à quel point on se sent loin. C'est ça. C'est plus loin du centre de Marseille que quelqu'un qui est au Canada. En tout cas. Nord de Marseille, on se parle. Même distance, en tout cas. C'est correct. Même latitude. On a l'eau. Montagne. L'Ardèche. Moi, je sais pas c'est où l'Ardèche. L'Ardèche, non. Ça m'aide pas. Mais moi, je suis loin de chez moi. Ireland. Toulouse. C'est quand même bien, hein? Ok, une dernière personne. Barcelone. Barcelone. C'est quand même bien, hein? Diversité est assez forte. J'ai pas fait parler personne de Marseille ou presque, mais vous avez compris le principe. Donc, pour le prochain petit temps, on va se placer dans l'espace d'après la question qui va être posée. Donc là, il y a eu un truc géographique. Prochaine question, c'est sur le thème des communs. Donc là, le truc de traduction, ça va être un petit peu plus dur. La question, c'est niveau de familiarité personnelle avec les communs. Complètement par ici. C'est, je ne connais pas du tout les communs, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis curieux, curieuse, mais je sais pas pourquoi je suis ici. Puis à l'autre bout, là-bas, c'est j'ai écrit plein de livres, je suis spécialiste, tout le monde, je connais tout, j'ai jamais besoin d'apprendre à propos des communs. Ouais. Et puis c'est un échelle. Donc disposez-vous dans l'espace d'après votre niveau de confort et familiarité sur les communs. So, in the space, according to your level of familiarity with the common. Oh, come on. La professora. Presque écrasé le Un des objectifs de ce jeu, c'est que vous pouvez repérer des gens qui sont dans des situations similaires à vous. Donc là, c'est entre néo-pété, vous vous reconnaissez. Puis peut-être aller voir de l'autre côté, voir qui connaît plus. Ciao. Ok, on va prendre quelques témoignages. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te mettre ici? Parce que... Votre attention, s'il vous plaît. Un instant. Je sais, vous allez voir tout le week-end pour jaser. Parce que les communs, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler vaguement. Donc, on parle vaguement quand on parle, je ne sais pas, propriété. Mais en fait, précisément, concrètement, ben, je ne vois pas ce que ça veut dire en termes juridiques, en termes de. Enfin, ouais. Précisément, je ne sais pas tellement comment on peut les réaliser, quoi. Donc, praticienne, elle écrit à l'occasion, et pourtant elle choisit le milieu. Right in the middle for someone who's been practicing and writing. Yes. I like the humility. All right, modesty. Irish modesty. Giacomo, Giacomo. Would you like to share why you chose to be here? Italian. Napoletano. I'm from Naples, sono napoletano, e vivo in Barcelona y estudio en Portugal los comunes. Entonces, soy un investigador, es mi tema. Aidez-moi, quelqu'un. Je veux voir votre main pour la traduction. Je suis Giacomo D'Alisa, je suis napolitain et je vis à Barcelone. Je suis chercheur et je travaille à Barcelone et à Lisbonne. C'est ça? À Coimbra. Coimbra, au Portugal, comme chercheur. Et les communs, c'est mon thème. Les communs, c'était son destin. Voilà, les communs sont son destin. Merci. Ça, c'est parfait. Ok, un dernier témoignage. Français, alors je vais donner un nous parce qu'on est en couple, on vient de Lyon. On s'est mis par ici parce qu'on est praticiens des communs quelque part, mais en tout cas on les expérimente dans des lieux alternatifs qui se reconnaissent des tiers-lieux, donc proches du réseau qui a été aussi présenté par Jules tout à l'heure. Et puis on a élaboré plusieurs travaux avec Remix aussi, donc on découvre, on redécouvre les communs dans la théorie et la pratique en permanence. Merci. On est beaucoup trop nombreux pour tous se présenter. Donc on joue avec ça. C'est le mieux qu'on va faire, puis on va avoir certains exercices. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va tester les trois thèmes qui avaient été suggérés pour le week-end. Et encore avec le jeu de déplacement. Et après ça, on va ouvrir pour que quelqu'un d'autre, n'importe qui ici, profite de l'occasion pour pouvoir poser des questions au groupe, dire tel cadran c'est telle chose, tel cadran c'est telle autre chose, et les gens vont pouvoir se déplacer. Je vais continuer à vous donner des exemples de comment vous pouvez utiliser cette technique-ci pour investiguer le groupe. Et puis, après ça, vous vous inspirerez, vous levez la main, puis on va partager cette opportunité-là. Donc, dans les trois thèmes qu'on avait choisis pour le week-end, il y avait, laissez-moi sortir mon petit papier. Ah, mais bon. C'était que trop. OK. Relations communes et puissance publique. Comment les communs s'organisent? Je vais le dire encore. Relations communes et puissance publique. Comment les communs s'organisent? Donc la question c'est, vous, dans votre pratique, dans votre curiosité à propos de la fin de semaine, à quel point est-ce que vous êtes déplacé pour ce sujet-là? Relations communes et puissance publique, comment les communs s'organisent? Ça ne m'intéresse pas du tout, complètement à ma gauche, et ça me passionne complètement à ma droite. Vraiment pas. Ça va être embêtant. Hein? Je vais rester là. Oh. C'est bon signe. C'est correct. Ça veut dire que le thème il était ajusté. Ça vous intéresse. On va couper le bout du témoignage parce qu'on va essayer d'en faire plus. Mais c'est bien, c'est très bien. J'ai quand même curieux de savoir pourquoi certains autres sont en milieu. OK, prochaine question. Un autre thème qui avait été partagé pour l'événement. Les outils juridiques pour les communs. Mécanismes et stratégies pour la reconnaissance des communs et du en commun, du commonness. Encore une fois, outils Jurisé, pour les communs, mécanismes et stratégies pour la reconnaissance des communs et du faire ensemble. Je pense que l'outil juridique, c'est suffisant pour comprendre le truc. Mais là, on change les cadrans. Le cadran par là-bas, c'est dans ma pratique personnelle. C'est urgent et important que les communs s'organisent autour de la question juridique. C'est urgent et pas important qu'on s'organise autour de ça. C'est important, mais c'est pas urgent. Et c'est pas important et c'est pas urgent. Pour moi, pas pour les communs, votre pratique à vous. Encore une fois, urgent, important, urgent, pas important, important, pas urgent, pas urgent, pas important. C'est raisonnable d'être à l'extérieur des cadrans si vous ne savez pas la réponse. Si vous ne pouvez pas jouer, si ça ne vous concerne pas, vous pouvez être à l'extérieur. Je vais prendre quelques témoignages rapidement parce que je suis curieux. En plein centre. Pourquoi le plein centre? Et comme moi, je pensais plus commun dans le travail, j'ai l'impression que les outils sont existants, le milieu, c'est le modèle associatif, coopératif, etc. Ce sont des manières de faire commun dans le travail. Donc, même si on est aussi. On prend les gens en extrême. Moi, la nuance entre urgent et important ne m'a pas sauté aux yeux, alors je préfère me mettre en dehors. Ça va, c'est cool. Moi, je pense important d'abord de se réunir autour d'un projet, autour d'une envie, autour d'une passion, autour de quelque chose, autour d'un lieu. Et puis après, et c'est important, après on s'organise. Mais d'abord, on se choisit, on s'aime et on se partage des choses. Et puis après, on s'organise. C'est comme ça que j'ai fait, en tout cas. Fascinant. C'est sûr que je continue à prendre des témoignages, c'est trop intéressant. Je pense en plein milieu du groupe. On se fait alors. Non, je pense que c'est un sujet important, mais c'est un travail de long cours, mais c'est pour ça que je me suis mis un petit peu plus sur le côté. Il y a peut-être d'autres sujets qui vont être primordiaux à aborder avant d'aborder la question juridique. Merci. Et là, je ne sais pas comment je crois qu'on va rentrer. Mais bon, on y va. À l'attaque. Moi, je suis pour des nouveaux droits. Pour qu'on puisse faciliter toutes les expérimentations du faire et tout, dont on est tous, qu'on partage tous ici. Et donc, pour faire ces nouveaux droits, mais il faut effectivement travailler ensemble et voir ceux qui ont le plus avancé. Et on est dans une période là où on construit aussi un certain nombre de choses en commun pour changer Marseille. Donc, on a besoin des outils qu'on pourra formuler aussi dans les temps qui viennent, et qui, nous, c'est très urgent. Merci. Après cette question-ci, c'est à vous. Vous allez avoir la chance de poser des questions au groupe et de dire qui se déplace où, pour quelle raison. Je vais vous donner des dernières suggestions avant de le faire. Le dernier thème qu'on avait proposé pour la fin de semaine, je réouvre mon petit papier. Documenter les communs, s'outiller pour produire et mettre à jour le récit des communs. Quoi? Documenter les communs, s'outiller pour produire et mettre à jour le récit des communs. Dans ce cadran-là, c'est là-bas, je pratique activement la documentation des communs. Ici, j'aimerais pratiquer la documentation des communs. Ce cadran-là, je ne pratique pas la documentation des communs. Et celle-ci, je ne veux pas documenter les communs. Je pratique activement. J'aimerais. Je ne fais pas. Je ne veux pas. Je ne la fais pas. Je ne documente pas. Documenter, on parle produire du média, écrire. Encore une fois, si je pratique, donc si je documente les communs dans le cadran ici, si j'aimerais documenter les communs ici, si je ne documente pas les communs, et je n'ai pas particulièrement l'intention, ici si je veux activement pas documenter les communs, je refuse de documenter les communs. Je ne suis pas surpris que personne ici me dise, je voulais tester, j'étais curieux. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui avait une opinion contre documenter les communs, j'aurais vraiment voulu l'entendre. Ok, ben il y en a un. En fait, je suis obligé de prendre cette position au moins un instant parce qu'il m'est arrivé un certain nombre de fois dans mon histoire de pratique de commun d'être dans des cas où il fallait absolument cacher ce que je faisais. Et que c'est vrai, et je suis aussi musicien, et c'est vrai à la fois, et je pense, à la fois dans des enjeux qui sont en même temps des enjeux artistiques, c'est important d'être à l'ombre pour pouvoir travailler parfois, et puis c'est vrai aussi politiquement, et donc il y a quelques fois où effectivement c'est un enjeu important, en fait ça reste secret, je ne suis pas au courant, mais il y a des, j'ai organisé plein de soirées où l'enjeu c'était de ne surtout pas communiquer dessus, bien sûr, et pour pouvoir faire le commun, il fallait être caché. Et donc il y a des cas où il ne faut évidemment pas documenter. Sinon, je documente activement et mon boulot, c'est de produire des ressources pour un centre dont c'est l'objet de documenter les communs. Donc je ne dis pas, voilà. Mais il fallait quand même que ça existe, le moment du refus, parce que la distinction entre documenter et surveiller, et enfin, quand on produit des ressources, en fait elles sont utilisées, tous les sociologues le savent, c'est un outil de pouvoir. Voilà. J'adore, très malin. J'adore, on en parlera. Eh bien bonjour, alors moi je suis un peu, je réponds en fait de façon professionnelle ce que peuvent être les communs, ce que vous êtes. Je connais plus intimement avec la coopération catalane, etc. Dans un point de vue familial, du coup j'ai un peu de mal à savoir quelles sont vos définitions actuel en fait, du commun entre tiers-lieu, lieu alternatif, voilà, en tout cas moi j'ai connu le squat, j'ai connu les espaces institutionnalisés et je suis très curieuse de vous rencontrer. J'avais oublié de mentionner que l'exercice tout de suite après celui-ci, c'est on parle définition du commun. Donc ça s'en vient, ça aurait été inutile de le dire plus tôt. Trop de choses en fait. On va par ici. Je ne sais plus ce que je me suis dit. Ah voilà, je ne documente pas. Eh ben, en fait, sur cette question-là, j'ai un peu du mal à savoir à quel endroit je dois me positionner, parce qu'en fait, je pense qu'on documente beaucoup, mais ce n'est pas la principale préoccupation que j'ai dans mon travail, dans ma vie actuelle. Voilà. Mais par contre, finalement, c'est une partie d'une pratique journalière, en fait. Ça fait partie d'une pratique journalière, mais qui n'est pas forcément séparée du contenu de l'activité menée voilà, dans un projet artistique, dans un milieu. Voilà. Très bien. Ok. Un ou deux. Because we are a project where we are mapping commons projects around islands and trying to connect them together. Donc c'est quoi un projet de mapping des communs en Irlande? Donc petit groupe irlandais qui font ça. Donc naturellement, mapping et documentation, ça se ressemble. C'est exactement la même pratique. On va en prendre un autre. Je suis en service civique au 59 et en communication, donc mon rôle c'est de documenter le lieu. Bon. Ça c'est clair. Donc, à partir de maintenant, combien de temps qu'il nous reste pour parler? On a 10 minutes si vous voulez, profitez de la salle. Si vous arrivez avec une curiosité, vous voudriez savoir qui est dans la salle, est-ce que tel intérêt ou compétence est représenté? Vous avez le plancher. Je vais prendre le micro, poser une question au groupe, dire qui va où. Est-ce quelqu'un qui arrive avec une intention d'apprentissage spécifique ou qui veut par exemple travailler sur un projet spécifique? Pour le reste du week-end, il va y avoir des invitations de pouvoir découper des espaces de travail autour de vos projets, par exemple, ou des thèmes de travail autour des communs. Donc, ce serait peut-être la chance de pouvoir voir si les. Qui seraient vos alliés dans ce projet-là? Je cherche une main levée. Ou un. Voilà. Bien sûr, on a bien compris la question, mais en tout cas, on va voir. Enfin, moi, je suis là, donc je viens de la région du Grand Genève, mais pour autant, enfin, transfrontalier, je répète, du côté français. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui tourne autour de l'intermapping et de l'interopérabilité. Voilà. Ça, c'est un des sujets sur lesquels j'aimerais trouver des interlocuteurs. Pour autant, je ne suis pas du tout geek en quoi que ce soit, mais je suis en lien avec, particulièrement avec le portail web francophone des alternatives, Transiscope. Transiscope.org. Le mapping, intermapping. Est-ce qu'on se concentre juste sur ça pour voir? Les gens qui connaissent l'intermapping complètement à gauche et ceux qui ne connaissent pas complètement à droite, vous allez pouvoir remarquer pourquoi voir ceux qui vous intéressent. Ça a été pour préciser, c'est intermapping, ça concerne plus le référencement du coup géolocalisé de lieux ou de projets de commun, si ça concerne quelque chose de plus spécifique. Intermapping, c'est dire toutes les plateformes qui sont en train de se mettre en place au niveau cartographie ou sur le plan européen, voire mondial. C'est clair? Moi, je peux facilement dire que je ne connais rien là-dedans. C'est très clair. Moi, j'irai par ici. Et puis, si quelqu'un connaît. Ceux qui connaissent le mapping à ma droite, intermapping, intérêt à ma droite, ceux que c'est ou pas un intérêt ou ils ne connaissent rien là-dedans, à ma gauche. Voilà. Pour tous ceux qui ne comprennent pas le jargon qui a été proposé, vous êtes à la bonne place. C'est parfait. Et remarquez, hein? Donc, monsieur a trouvé des gens, d'après son intérêt. Donc, vous, gardez un œil sur eux, puis allez leur parler un petit peu plus tard. Voilà. Quelqu'un d'autre qui veut profiter de cette instance pour poser des questions au groupe? Osez, hein? Osez poser une question. Je crois que là-dedans, je pense que je comprends à peu près ce que c'est, plutôt, mais par contre, je ne pratique pas. Et notre groupe, il y a des gens là-dedans qui sont intéressés par cette question et d'autres qui jouent autrement. Bizarre comme scission. Pour l'instant, on va jouer avec. Parce que chaque personne qui décide de prendre cette opportunité-ci se prend responsabilité sur la question qu'il pose. Et donc, si ça a été posé comme ça, puis ça a créé cette scission-ci, Ça va, docteur. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle des spécialistes du droit sur la question des communs? Juristes vers la scène et les autres de l'autre côté. Vous avez bien entendu? Juriste. Juriste vers la scène et non juriste, j'imagine. Par ici. On en prend deux autres questions du groupe. Que voulez-vous savoir à propos des gens qui sont ici? Moi, la question que je me pose, c'est la rue et les places publiques peuvent-ils et à quelles conditions faire l'objet du commun? Parce que c'est certain que les municipalités considèrent que ça leur appartient et on est souvent obligé de se battre pour leur dire que leur façon de s'en occuper ne nous plaît pas. Et en même temps, il faut reconnaître que c'est très difficile de savoir comment construire une communauté d'usage à propos d'une place où tout le monde passe. Quels sont ceux qui ont les habitants du quartier, les commerçants du quartier, enfin, voilà. C'est le genre de question qui m'habite beaucoup. Donc, qui est-ce que ça intéresse? Et puis ceux que ça intéresse pas tellement, ils ont d'autres chats à côté. Moi je voudrais préciser que sur le quartier très populaire de la Belle de Mai, on a plusieurs lieux qui sont effectivement dits communs ou qui essayent de le devenir. Moi, notamment, il y a un lieu que tout le monde connaît peut-être au niveau, qui est la friche de la Belle de Mai, et qui, du point de vue d'un certain nombre de gens qui y résident, n'est pas vraiment le lieu du commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un lieu qui est une coopérative, et qui, pour les habitants et pour un certain nombre d'acteurs marseillais, n'est pas le lieu du commun? Donc, moi, c'est ça que j'ai envie d'approfondir. Et il y a effectivement parmi nous des gens qui sont en résidence à la friche et qui essayent de faire davantage de communs avec les 80 résidents et que tout ça fasse communauté. Alors c'est pas parce qu'on est une coopérative, ça cache effectivement toute une série de choses difficiles qu'il faut approfondir pour vraiment faire du commun de certains espaces que tout le monde regarde avec « Ah, c'est vachement intéressant ». Oui, c'est intéressant. Mais il faut analyser qu'est-ce qui n'est pas pour faire progresser l'histoire. Et c'est pour ça que je suis là, avec d'autres, ce soir. Ce soir. C'est un peu tôt pour ce soir, mais c'est quand même. Attendez. On veut prendre un moment pour être témoin de l'intérêt collectif. C'est quand même fort, hein? Beaucoup de gens de ce côté-là. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir beaucoup de conversations sur ça pendant le week-end. Un dernier. Dernière opportunité, rapide, parce qu'on commence à arriver. Bueno, los que están interesados en la gobernanza de los comunes, en cómo la cuestión política interna, digamos, de las comunidades que tienen un procomún y los instrumentos como, por ejemplo, si las cooperativas de integrados o de varios actores pueden ser una utilidad o otras formas de organización y los jurídicos propios, digamos, no del Estado, sino las regulaciones que se generan desde los propios comunes. Ça va être un peu difficile de traduire. Si quelqu'un peut aider, je suis preneur. Là, on va le faire ensemble. Alors, la question que tu poses, David, c'est autour de la gouvernance des communs et de la dimension politique de la gouvernance des communs. ça y a la dimension interne. Comment non, c'est pas la question, c'est pas comment est-ce que c'est organisé en interne. C'est... Je ne sais pas comment on se dit en français, un multi-stakeholder cooperative, en anglais, intégral en espagnol, mais en français, je ne sais pas, c'est des coopératives qui ont différents types de membres, des membres de travail, un membre d'usage, de consom, et des membres collaboratifs. Et si ça, c'est une solution de gouvernance politique interne, et s'il y a quelqu'un qui soit intéressé à ça. Et si on est intéressé à la régulation mais propre qu'on génère comme prêt pour se gouverner dans les coopératives, pas les régulations des communes, pas les régulations qui viennent de l'État. La question, c'est qui est intéressé, qui est partisan que les communs doivent être auto-régulés, auto-organisés, ne pas dépendre de l'État et intégrer les différents acteurs qui sont concernés. David prend l'exemple des coopératives intégrales en Catalogne, qui sont des coopératives qui intègrent à la fois des gens qui travaillent, des gens qui consomment, des gens qui sont des utilisateurs, alors que souvent il y a des modèles de coopératives qui séparent en fait ces différents acteurs dans différentes structures. Donc la question c'est, est-ce que vous connaissez probablement et est-ce que vous êtes intéressé? Vous êtes partisan de cette indépendance de vis-à-vis de l'État. C'est David cherche des gens avec qui discuter. Vous pouvez l'aider tellement que vous en connaissez au fond. Vous êtes intéressé à en parler à peu près au centre. Et puis si vous ne connaissez rien là-dedans, je ne peux pas l'aider et vous ne voulez même pas en parler de ce côté-ci. Intérêt fort. D'accord. On pourrait faire ça longtemps. L'objectif de fond, c'est de vous montrer que le groupe est extrêmement diversifié en termes d'intérêt, niveau de connaissance et sujets clés, ainsi de suite. C'est aussi pour vous montrer que le Commons Camp ne sert pas au bénéfice des organisations qui l'ont chapeauté, on pourrait dire, mais que c'est notre Commons Camp. Donc on a comme parti la balle pour vous montrer que vous pouvez profiter du groupe, puis on aimerait ça que pour le restant du week-end, vous compreniez que c'est la dynamique clé. C'est votre Commons Camp, et puis on va avoir plusieurs opportunités pour se réunir et donc voir quel niveau d'intérêt connaissance est dans la salle, et on vous souhaite d'en profiter au maximum. Je passe à Frédéric pour la suite. Merci Mathieu. Alors, effectivement, vous voyez, pendant qu'on faisait toutes ces petites questions, il y a Yves qui dessinait sur des feuilles un peu la répartition dans la salle, ce qui nous permet d'avoir un peu la visibilité de ce qu'on a fait tout à l'heure, de comment on se représente les deux. Maintenant, moi, je vais vous proposer une deuxième. De demander aux gens, dans plein d'endroits différents, de nous dire quelle était leur définition des communs. Parce qu'en fait, on partait du principe qu'il n'y a pas une définition des communs. Donc on ne va pas, aujourd'hui, maintenant, faire une présentation. présentation de qu'est-ce que c'est que les communs. Voilà la définition. Une fois que vous l'avez, vous pouvez partir avec. Vous en faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Mais on va vous proposer de construire, de partager les définitions, les expériences, à partir de nos propres expériences, de nos propres pratiques, de notre réflexion, de la connaissance qui a été produite. En fait, on se propose maintenant de partager un petit peu tout ça. Alors, comment on va faire? On va se répartir en 6 groupes différents qui vont chacun travailler... Enfin, on va créer 6 espaces, pardon, qui vont chacun être dédiés à un type de commun. Alors, j'utilise volontairement l'expression « type de commun » de manière assez vague. On va avoir des communs autour de la culture, des communs autour de la santé, des communs autour de l'habitat, du travail, par exemple, des ressources naturelles, etc. Et dans chacun de ces groupes, on va partager, toutes les personnes qui se regroupent autour de chacun de ces thèmes, on va partager des exemples de ce qu'on considère être des communs, et on va s'expliquer entre nous pourquoi est-ce qu'on pense que c'est des communs. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est des communs? Moi, par exemple, si je pense au Community Land Trust, qui sont un système d'habitat partagé, développé d'abord aux États-Unis, puis aujourd'hui en Europe, c'est un système où les gens occupent des logements, occupent des bâtiments ensemble, on va dire, et disposent d'un système qui leur permet en fait d'accéder au logement sans avoir à acheter le foncier. Donc c'est une communauté qui va se donner des règles et qui va appliquer ces règles à la fois de répartition du logement et des règles d'accès. Si on pense à par exemple des communs, on va prendre des exemples tout à fait connu de tous. Si on prend Wikipédia, qui est considéré comme un des communs emblématiques, on pense que c'est un commun parce que il y a une ressource qui est la connaissance, qui est partagée, qui est coproduite, qui est mise en circulation. Et puis il y a des gens qui s'organisent, qui se donnent des règles autour de ça, qui décident comment ils vont accepter ou exclure des nouvelles contributions, etc. Donc voilà, par exemple, moi, si je devais donner un exemple sur la connaissance, je pourrais donner celui-là et expliquer pourquoi je pense que c'est un groupe. Donc ça, c'est le premier temps dans ce groupe-là. On va partager ce qu'on pense être des communs par rapport à ces thématiques-là et s'expliquer pourquoi est-ce qu'on pense que ce sont des communs. Et puis, dans un deuxième temps, on essaiera on propose en fait d'identifier des caractéristiques clés, des éléments qui sont vraiment des caractéristiques particulières de ces communs. Alors il y a 6 ou 7 groupes qu'on va répartir dans l'espace. On se répartit, si vous voulez prendre des chaises, vous prenez des chaises, vous faites un cercle. La règle du jeu, c'est très simple, c'est que on va là où nos pieds nous emmènent, là où on est intéressé. Là où on apprend quelque chose ou là où on contribue à quelque chose. Ça veut dire qu'on a du temps, on peut circuler d'un groupe à l'autre si on a assez d'être dans un groupe. D'accord ? Les différents groupes, les différents espaces qu'on va vous proposer, c'est donc les communs autour de la culture, les communs autour de la santé et du care, les communs numériques et technologiques, les communs ressources naturelles et environnement, l'habitat et le logement, et le travail. Donc on a 6 groupes, on va répartir ces 6 groupes. Exact. Et on a un 7e groupe, on pensait aussi à ça, donc c'est très bien de nous le dire. Et les gens qui ne veulent pas participer sur un de ces groupes-là peuvent se mettre sur un 7e groupe. Okay, qui est un groupe ouvert, qui traite de ce que vous voulez. Les gens qui n'ont pas envie de participer à ces 6 groupes-là, il y a un 7e groupe qui peut se constituer et faire comme il veut. D'accord? Ok. Alors on va mettre le 7e groupe-là, ok, et on va répartir les 6 autres groupes autour de la salle. Ok? On y va? Est-ce que quelqu'un veut partir sur le groupe culture? Alors, tu t'installes, Gabriela, par là-bas. Est-ce que quelqu'un veut partir sur le groupe numérique technologique? Ok, voteur, tu te mets ici. Est-ce que quelqu'un veut partir sur le groupe connaissance, les communs de la connaissance? Commun de la connaissance. Ok. Culture et connaissance. Ici? Non, il y a déjà deux groupes ici, tu vas te mettre plus par ici. Les communs ressources naturelles et environnement. On continue le cercle par là. Les communs santé, autour de la santé et du care, du soin. Health, care, soin. Ok. Les communs autour du travail. Mettez-vous au milieu. Et les communs autour de l'habitat et du logement. Habitat, logement. Alors, vous avez une proposition? Si, si, vous en parlez à l'intérieur des groupes. D'accord? Alors, l'idée, je rappelle, c'est que on commence. Alors, vous pouvez former des cercles de chaises si vous voulez, ou rester debout. Vous, on commence par s'échanger des exemples de communs en rapport avec ce thème. Et se raconter pourquoi on pense que c'est des communs. Et ensuite, dans un deuxième temps, on identifie des caractéristiques qui nous semblent importantes pour définir ces communs. Ok ? Et puis dans un troisième temps, on verra comment on fait avec tout ça. Vous pouvez changer de place, vous pouvez changer de groupe, même les personnes qui ont pris le papier en charge peuvent changer de groupe. Il n'y a pas... Personne n'est obligé de rester sur un groupe. Installez-vous. C'est parti, donc première chose, on partage des exemples de communs en rapport avec son thème. S'il y en a un groupe qui est trop important, on peut le splitter en deux. Comme ça, vous avez vraiment la possibilité de parler. D'accord ? Sur le commun culturel, peut-être si vous voulez faire deux groupes, vous pouvez. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire circuler la parole. Si vous êtes trop nombreux dans un groupe, vous allez limiter le temps de parole de chacun. Alors, il y a un groupe connaissance. Voilà. S'il y en a qui veulent changer de groupe, nous on est là, on s'appelle la connaissance. C'est la culture, mais bon, c'est normal. Nous on est la connaissance, on est un peu moins. Mais s'il y en a qui veulent venir un peu à la connaissance, on n'a pas de problème avec la culture. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, responsables de la documentation. N'hésitez pas à prendre des notes et à les partager ensuite. de ce que vous dites, de ce que vous nous dites, de ce que vous partagez. Et prenez soin de la traduction pour les personnes qui en ont besoin. Comment on va avec le traitement et on va le mettre. Luca nous rappelle que on a pris la notion du usage du terme